Jeudi soir sur Galaxy, 23h, j'aime. Jam sur Galaxy. Galaxy. Now. Underground. J'aime sur Galaxy. second. Hey there. Keeping it. Bang it. sur Galaxy. J'aime sur Galaxy. Thank you. We'll be right back. J'aime sur Galaxy. Receive our transmission.